Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, chers auditeurs de CKIA. Amateurs de la puissance maximale, c'est votre rendez-vous hebdomadaire déjà depuis 3 ans, même plus de 3 ans, que Puissance maximale est en onde. Vraiment, là, l'émission d'intérêt ludique, on vous parle de jeux, on vous parle bien sûr de culture geek et on a autour de la table, ben, nous sommes tous des geeks finalement, nous sommes autour de la table, j'ai parlé et je parle de François G. Couillard à la console. Salut Vincent. Salut François et nous avons également Andrew cette semaine. Bonjour Vincent. Andrew, qui est là aujourd'hui et qui va nous parler de jeux vidéo. Ben oui, contrairement à mon habitude, je parlerai pas du Japon. Mais pas de culture japonaise aujourd'hui, malgré qu'il y a malgré quand même un lien toujours. La console vient du Japon. Ben oui. Tout à fait. Donc, deux jeux sur la Wii, Donkey Kong Country Return et Sonic Colors. Qu'on fera en deux parties. On aura un peu d'actualité, François, et je pense qu'on va aussi à Montréal aujourd'hui. Oui, on va rejoindre notre ami Fräulein Evil, qui va nous parler là, des jeux de plateau qui s'en viennent avant le temps des fêtes. Et moi, à la fin de l'émission, s'il reste du temps, bien sûr, je ferai un petit commentaire sur le dernier Call of Duty, qui est Black Ops. Et comme c'est un jeu qui est quand même assez rempli, vous connaissez vraiment mon goût pour ce style de jeu-là. C'est un jeu qui est assez rempli. Aujourd'hui, on va seulement parler de la partie en ligne et même pas les nouveautés. Je vous dis, il y a tellement de choses là-dedans là, que ça va peut-être prendre 2 ou 3 chroniques pour en venir à bout. Ouh là là! Et oui, c'est comme ça. Et on va y aller en musique juste avant de parler de la chronique d'Andrew. On va écouter une pièce des Chicken Swell. La pièce s'appelle tout simplement « Pancarte à vendre à louer ». Vous êtes à puissance maximale. Une pancarte à vendre à louer. Une pancarte à louer à vendre. J'ai une pancarte à vendre à louer. J'ai une pancarte à louer à vendre. Elle est rouge, blanche, noire, en plastique flexible. Y'a aucun des 4 coins qui sont cassés. Elle a même déjà appartenu à un curé. Je vous jure, vous vous ferez pas fourrer si jamais vous la louez. J'ai une pancarte à vendre à louer. J'ai une pancarte à louer à vendre. J'ai une pancarte à vendre à louer. J'ai une pancarte à louer à vendre. Elle se pose très bien sur une grosse maison, sur un bateau, même sur des petits chiots. Tu peux même la mettre sur un lamantin. Le problème c'est juste de se trouver un lamantin. J'ai une pancarte à vendre à louer. J'ai une pancarte à louer à vendre. J'ai une pancarte à vendre à louer. J'ai une pancarte à louer à vendre. Pancarte à louer. prends les deux mains, va te donner un conseil. Mets pas ta pancarte à vous tourner dessus, ta pancarte à vendre. Parce que tu vas cacher ta pancarte à vendre qui va être allouée. Ça, ça peut être mieux, là. Oh, oh! J'ai une pancarte à vendre, à louer. J'ai une pancarte à louer, à vendre. J'ai une pancarte à vendre, à louer. J'ai une pancarte à louer, à vendre. Je fournis même le liquid paper au cas où tu voudras effacer mon numéro. Numéro. Et si tu veux garder mon numéro, oh oh oh. Fais pas ta secrétaire si tu me fournis la robe. J'ai une pancarte à vendre, à louer. J'ai une pancarte à louer, à vendre. J'ai une pancarte à vendre, à louer. J'ai une pancarte à louer, à vendre. J'ai une petite pancarte à vendre qui est à louer. Une autre pancarte à louer qui est à vendre. J'ai une petite pancarte, une petite pancarte. J'aime bien ça les vendre. Une petite pancarte, une petite pancarte. Une pancarte à vendre, une pancarte à louer. Une petite pancarte à vendre, une petite pancarte à louer. Une petite pancarte à vendre, une petite pancarte à louer. J'aime bien ça la louer. J'aime bien ça la louer. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. De retour en direct sur les ondes de CKIA, mais peut-être que vous prenez notre émission également en rediffusion sur notre site internet qui est le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez également de l'actualité et nos contacts pour nous envoyer des courriels qu'on lit à chaque semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous écouter. Également peut-être en direct, je ne sais pas si on est branché sur Facebook présentement, vous ajoutez François G. Couillard dans votre liste d'amis sur Facebook et vous pouvez faire un petit chat interactif avec François, lui envoyer vos commentaires. Il y a la page aussi, la page de Puissance Maximale. Également sur Facebook, vous pouvez faire un petit clic « I like » à la page Puissance Maximale, qui n'est pas le groupe. Il y a un groupe qui sera fermé. On avait créé un groupe il y a de cela plusieurs années et maintenant, c'est la page Puissance Maximale. Donc, vous cliquez que vous l'aimez et vous avez également des nouvelles de l'émission, des nouvelles du monde du jeu. Et on passe tout de suite en actualité de ton côté, François. Donc, Ubisoft propose de faire pousser la moustache pour la charité. Alors ça, c'est une idée, ça s'appelle Mose for Cancer. Donc l'idée, c'est de faire que les gens donnent de l'argent pour les employés d'Ubisoft qui se font pousser la moustache. Alors c'est les bureaux de San Francisco, Montréal, Québec et Vancouver et France qui participent à ce mouvement extraordinaire. On sait que le mois de novembre, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait pousser la moustache. Justement, même on en a parlé avec des animateurs de télévision qui ont fait... Il y a un super jeu de mots, ça s'appelle le Movember. Movember, oui, c'est ça. Mot pour moustache. Et donc, le but, c'est de faire pousser la moustache pendant tout le mois, chaque jour du mois de novembre. Et jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien. Il y a plus de 20 000 $ qui a été gagné jusqu'ici. En fait, pour être bien précis, là, il y a 24 155 $ qui a été amassé par les employés d'Ubisoft. Et d'ailleurs, on salue les gens de Montréal parce que celui qui a rapporté le plus d'argent, c'est bien un employé de Montréal qui s'appelle Cédric Orvoine, qui a accumulé à lui seul 2500 beaux dollars. Wow. Et le deuxième, il a gagné 1578 dollars et c'est un gars d'Ubisoft Vancouver. Mais on salue également notre gang d'Ubisoft Québec qui vient nous voir de temps à autre ici à l'émission. Ben moi, c'est une actualité. En fin de compte, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, que je trouvais assez spécial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs. Ça se passe présentement aux États-Unis, mais la chaîne dont je vais parler a quand même des petits penchants ici au Canada. La chaîne GameStop. On parle pas de GameSpot, là, le fameux site Internet, mais GameStop où on vend des jeux. Eh bien, c'est rendu, d'après ce que Mark Rabi de GamesRadar a indiqué sur le site Internet, c'est rendu qu'on peut même... faire de la pré-acquisition ou pré-acheter du contenu téléchargeable. Incroyable, hein? On en était rendu à aller justement dans nos magasins pour prévoir le coût, pour être sûr que notre jeu, notre disque soit là, parce que c'est arrivé une couple de fois, moi, que je suis arrivé, puis quand je voulais avoir la première journée mon disque, mon jeu, il en restait plus, ou j'étais le dernier à mettre la main sur la copie qui restait. Vraiment, on peut dire que là, oui, on a fait comme une genre de... On a fait beaucoup de promotions, justement, dans les derniers temps pour précommander les jeux. Puis moi, je connais plein de monde qui le font, qui précommandent tout le temps, puis qui sont contents d'avoir la première journée. Puis moi, quand j'y vais quelques heures après qu'il l'a eu, ben la copie, il en reste encore. On dirait que les jeux sont toujours disponibles. Mais là, ce qui se passe, là, c'est que des gens ont été encouragés aux États-Unis à précommander du contenu téléchargeable pour Halo Reach. Et si on commandait le contenu précommandait ce contenu téléchargeable-là, eh bien, ça te donne la chance d'avoir un petit avatar de Mark V Spartan, qui est un personnage dans Halo Reach, donc un petit avatar avec le casque, d'avoir ça. Et faut donner 10$ sur le contenu téléchargeable en avance pour ça. Je trouve ça spécial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Là. C'est nouvelle, mais là, c'est rendu qu'on on achète du contenu téléchargeable en avance. J'en suis bouche bée, le concept de précommander quelque chose qui n'a pas de quantité. Quelque chose qui n'a pas de quantité puis que tu peux même pas toucher. Tu l'as même pas dans tes mains, là. Tu sais, je veux dire, ils vont te donner la petite carte parce qu'après ça, c'est pas tout, hein. D'après ce que j'ai compris de l'article, là, c'est que tu dois également acheter la carte du client pour le programme loyauté qui te permettra après de la rentrer sur Xbox, de rentrer ton... Ils vont te donner un NIP. Tu vas pouvoir le rentrer et à partir de là, tu vas avoir la chance d'avoir ton contenu téléchargeable et ton petit avatar avec le beau casque. Mais c'est surtout courir la chance. Courir la chance de peut-être pas que ça arrive pas. Ouais, c'est assez incroyable. Hein? Tu sais, quand il y a un jeu qui sort, là, on sait qu'il va sortir dans un mois. Puis souvent, les précommandes, ça arrive bien avant. Ils viennent avec une prime aussi, des fois. Ils viennent avec une prime aussi, mais là, c'est vraiment du contenu téléchargeable. En tout cas, c'est spécial. j'étais vraiment, moi aussi, bouche bée quand j'ai lu ça. Écoute, Vincent, tu sais comment ça marche. Quand il y a de la demande pour ça, là, les entreprises vont l'offrir. Ben, c'est certain. C'est certain, mais c'est spécial. Quand on est rendu là à forcer quelqu'un à acheter du contenu téléchargeable, là, c'est spécial. Le vendredi noir a été très bon pour Nintendo. Ah oui, le fameux Black Friday. Le fameux Black Friday. Qu'est-ce que c'est le Black Friday? Dans le fond, c'est une période d'achat extraordinaire et impulsive. En fait, théoriquement, historiquement, c'est une journée pour commémorer l'exécution de 3 anarchistes à Détroit, je crois, ou affaire comme ça. À l'origine, c'est ça. Puis c'est devenu une manifestation d'achat. Ouais. De consumérisme. Une affaire de même. J'avais vu ça sur Internet en naviguant sur le Black Friday pour chercher des spéciaux pour le Fun 2. Donc, et j'étais tombé là-dessus. Puis, as-tu pu en mettre la main sur des choses? Rien que j'avais pas. Je vais regarder sur Internet pendant qu'on aura une pièce. Alors, c'est Nintendo qui en ont. Donc, c'est ça, c'est apparemment qu'il aurait fait plus de. Il aurait vendu plus de 1,5 million de systèmes de jeux vidéo. Donc, ça s'est très bien vendu. 1,5 million. Et la question est de savoir lequel c'est le plus vendu. Eh bien, la il DS. Semble que ça serait. Eh oui, les handheld, donc les consoles portatives. C'est incroyable. Ils ont vendu 900 000 Nintendo DS, DSi et DSi SXL entre le 21 novembre et le 27 novembre, donc pendant une semaine. La Wii, ça n'a pas été aussi bien, mais quand même, ils ont réussi à en vendre 600 000. Avec leur petit design rouge maintenant. Là, et c'est justement, c'est pour ça que Nintendo dit, ben, ça explique là, pourquoi est-ce qu'on en a vendu autant. C'est on a changé la couleur. Ils ont changé la couleur pour et ils donnent le 25e deux jeux, anniversaire je pense, de Mario. Oui, c'est ça. Exactement. Puis aussi, ils ont redesigné la console DSi XL, qui je pense qu'il est orange. Non, orange et vert. Mais quand même, la nouvelle console rouge avec le jeu Mario Super Mario Brothers pour Wii là, à 210$ plus, je me souviens plus c'est quel autre jeu qu'il donne. C'est quand même intéressant. Je pense que c'est Wii Sport qui vient avec. Oui, Wii Sport Resort. Ou, ouais, je pense que oui. En plein ça, je pense. Donc c'est quand même intéressant. Et il y a le président de Nintendo America qui s'appelle Reggie Fils-Aimé qui a dit les acheteurs des États-Unis ont acheté environ 9000 consoles de jeux Nintendo. Donc, ça équivaut à 1 pour chaque heure de la semaine. Wow. C'est quand même pas rien. Alors voilà, c'est tout pour l'actualité. Tout à fait, ça fait le tour pour le moment. Et on va aller écouter un peu de musique. On va écouter une pièce d'un groupe de Québec qui s'appelle The Cyclones. La pièce s'appelle Rock with the Cyclones. Vous êtes à puissance maximale. Oh, ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Retro Studios in Texas has produced some great Metroid titles. But when they said they were ready for something new, we asked them to take one of the most treasured franchises in video game history and to make it magic again. If you listen, you can hear it coming. Et c'est la voix de monsieur dont tu as parlé justement tout à l'heure, le fameux président de Nintendo of Americas. Oui, lors du E3 où il a fait l'annonce d'un des grands titres de l'année 2010 pour la Wii, Donkey Kong Country Return, que j'ai acheté pour ma blonde pour sa fête, qui a été lundi passé et que j'ai eu l'occasion d'y jouer. J'y ai squatté, pour être plus exact. Ça, c'est pas correct, vraiment, Andrew, là. Tu veux même pas laisser la chance, je te gage, de jouer le premier tableau? Ben, elle a des journées où elle est en congé, puis moi, je travaille, là, jouer pendant ce temps-là. Ah, tabarouette, c'est beau. Mais, en fait, je n'ai qu'un mot pour commencer cette critique en ne disant qu'un « wow ». Wow sur Donkey Kong, le dernier. Exactement. Alors, wow, pourquoi? Premier W, c'est Wapiti. Non, j'en ai aucune oui, idée. Oui, ben, je suis d'accord, parce que moi aussi, je dis toujours ça quand tout va bien. Exactement. Mais en fait, je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps du Super Nintendo, oui. Les Donkey Kong Country qu'il y avait, c'était des classiques du plateforme au niveau de la Super Nintendo, car on retrouvait quand même un jeu accessible à tous. Accessible à tous avec des choses qu'on n'avait pas toujours vues dans les platformers, justement. Exactement, c'était... mais en même temps, c'était un jeu qui avait une difficulté variable. Oui. Parce qu'on avait des segments où, dans le fond, le monde moyen était capable d'arriver, mais il y avait des bouts où c'était plus touché un peu. Ouais. Et là, après les Donkey Kong Country qu'on avait au Super Nintendo, mais la série Donkey Kong s'est un peu évaporée dans des jeux phares autres, comme exemple Mario vs Donkey Kong sur la Wii, où on retrouvait plus, pas la Wii, je veux dire la DS, où on retrouvait plus le classique d'antan où Donkey Kong est le méchant. Il n'y avait pas Donkey Kong avec les bongos aussi, là, sur le genre de Donkey Kong Game avec Cube, les bongos, là. Mais tu sais, qui n'était pas vraiment classique en tant mais que non, tel. C'est ça, c'était instrumental. Mais on a ouvert un peu. On a ouvert. C'était certes, quand même des bons titres. De mémoire, je me rappelle avoir quand même bien apprécié les derniers titres qui ont sorti, mais vraiment, Donkey Kong Country Return, comme le nom le dit, Donkey Kong retourne aux sources. On a ici un jeu sur la Wii où on retrouve tous les éléments qu'on retrouvait à l'époque sur le Super Nintendo, que ça soit dans le fond du level design à la musique, car on retrouve les bonnes vieilles musiques qu'on avait à l'époque au Super Nintendo, mais remasterisées avec de l'orchestre. Et en plus, on exploite un peu l'aspect du 3D, car il arrive certains moments où on va aller jouer dans l'arrière-plan du tableau et qu'on va jouer dans l'avant-plan. Et je vous dirais que la seule chose qui est différente, c'est qu'on ne joue que Donkey Kong. Donc, okay, on ne joue pas Diddy Kong, on ne joue pas les autres membres de la famille Kong. Donc, impossible dans un milieu de tableau de changer de personnage ou quoi que non, ce soit. Non, exactement. Dans le fond, la petite variante qu'il y a, dans le fond, qu'ils ont rajouté, parce qu'ils ne veulent pas, ils ont retourné aux sources, mais il a fallu qu'ils innovent un peu avec le jeu. Comme je disais, possibilité de jouer en arrière-plan et en avant-plan. Aussi, ben, Diddy Kong est là quand même en tant que présence, mais quand on le libère, Diddy Kong vient sur le dos de Donkey Kong et il fait un genre de jetpack. Okay. Donc, dans le fond, quand on saute, si on tient le bouton saut enfoncé, il va, dans le fond, planer pendant un certain moment. Et... Diddy Kong qui fait un jetpack, assez spécial. Oui, exactement. Ben, c'est à cause que dans les derniers Donkey Kong, Diddy avait, dans le fond, un sac, un jetpack, ouais. Un tonneau qui servait de fusée. Puis, dans le fond, ils ont gardé cet élément-là pour le rajouter dans ce Donkey Kong-là, qui fait en sorte que ça rajoute juste un bonus à DK. Oui. Ou sans en même temps, un certain élément qui avait été mis dans les derniers Donkey Kong Country, c'est les items. Dans le fond, ils ont remis les magasins où on peut racheter des items, donc racheter des continus. Squawk, qui est le genre de perroquet vert qui nous aide à retrouver des pièces Kong et casse-tête. Parce que là-dedans, il y a des pièces de casse-tête aussi à récolter, non pas juste des pièces Kong. Pour des bonus à la fin des tableaux. Aussi, en même temps, il y a des cœurs de plus parce que Donkey Kong marche avec des cœurs dans celui-là. Ils n'ont pas uniquement un hit, tu meurs, contrairement à les autres. Aussi, en même temps, on peut avoir une potion d'invincibilité et une clé qui permet de débarrer le tableau spécial de ce monde-là. Donc, qu'est-ce qui est quand même très intéressant. Puis, je vous dirais aussi, en même temps, au niveau jouabilité, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis le mode co-op. Que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Mais dans le fond, le mode coop, ça permet de séparer DK et Diddy en deux personnages différents. Et un joue Diddy Kong et l'autre joue Donkey Kong. Donc, un genre de coopératif un peu. Là, est-ce que tu sais, c'est un écran divisé ou on reste dans le même écran? Non, c'est dans le même écran. On reste dans le même écran. C'est dans le même écran. Et aussi, en même temps, qu'est-ce qui est bien aussi, comme je disais, dans les premiers DK, c'était de la difficulté variable. Je vous dirais, dans celui-là, c'en est une bonne preuve. Parce que je vous dirais, le premier monde, je l'ai passé très facilement. Je suis tombé dans certains tableaux que j'ai un petit peu plus, eu plus de misère, mais tu sais, c'était faisable. Là, je suis arrivé dans le deuxième monde, et quand je suis tombé sur mon premier monde où Donkey Kong est sur un genre de tonneau fusée, puis il faut vraiment qu'il traverse le tableau complet là-dessus, mais il faut pas qu'il touche à rien, parce que tout ce qu'il touche, ça fait exploser le tonneau, puis il meurt. Disons que j'ai comme fait un petit il me semble que le niveau de difficulté vient d'augmenter quand même considérablement, malgré le fait que je suis seulement dans le deuxième monde. Et la durabilité semble très bien, surtout si vous voulez tout retrouver, parce que comme je disais, il y a les pièces Kong qui donnent des bonus. Il y a aussi des pièces de casse-tête qu'on récolte dans celui-là qui donnent des bonus aussi. Il y en a en moyenne 5 à 7 par tableau. Okay. Il y en a qui sont dissimulés, il y en a qui sont dans des bonus games, dans les tableaux. Donc, c'est quand même très impressionnant. Les boss sont quand même d'un bon niveau de difficulté, pas trop, mais faut découvrir le pattern, faut prendre le temps de les observer. Ouais. Donc, je dirais que pour tout nostalgique de Donkey Kong, ça vaut vraiment la peine de puis qu'il y a une Wii, évidemment, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher ce titre-là. Autant par aspect de nostalgie pour les vieux joueurs, autant pour faire découvrir cette série-là, dans le fond, là, aux nouveaux joueurs, parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, les Donkey Kong sont disponibles en plus sur la Virtual Console. Oui, Virtual Console, c'est fait que, autant pour redécouvrir ces classiques-là, puis en plus, je vous dirais que... Il y a du stock. Ils ont pris la peine de vraiment peaufiner ce jeu-là. Puis j'ai comme l'impression que c'est pas un jeu qu'ils ont pondu en 2 mois. Là. C'était probablement en travail depuis un bon moment. Là. Bien pensé, réfléchi, un excellent jeu. Exactement. Wow! Ça va être, comme tu disais, hein? Wow! On va dire que ben, ça va être un achat sûrement. Je vais aller voir ça, moi. C'est certain que, oui, je laisse tomber ça un peu de côté depuis un certain temps parce que je joue pas mal sur la PS3, mais on ira peut-être voir justement ce fameux Donkey Kong Return sur la Wii. Et François avait une question extrêmement philosophique. Pas du tout. Non. Tu voulais pas qu'on discute de l'aliment de Donkey Kong? Qui est? Est-ce que Donkey Kong est méchant ou bon? Ben en fait, c'est une excellente question, votre faire. Okay, sur Kotaku, ils ont demandé à plein de gros gamers justement de débattre là-dessus. C'est une question quand même super importante. Oui. Ben moi, en fait, je vais vous donner mon opinion. Je vais vous parler d'un point de vue un peu ancien maître de jeu de Donjons Dragons. Oui. Si je prends des preuves, là, amène des sources. Exactement. Allez. Je dirais que Donkey Kong est un personnage qui est chaotique neutre. Définition de chaotique neutre. Vas-y, parce que ça va mal. Là. En fait, c'est que le personnage n'agit pas pour faire du mal, mais il n'agit pas en respectant un concept de loi. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Donkey Kong, dans tous les jeux, autant au début, quand il commençait contre Mario, il était illustré comme le méchant gorille. Mais en fait, il était méchant car il avait kidnappé la blonde de Mario, qui était Pauline à l'époque. Un jeu qui s'appelait Donkey Kong, mais en fin de compte, c'était Mario qui devait monter en haut. C'est assez spécial. Hein? Exactement, mais dans le fond, il avait kidnappé Pauline à l'époque, mais parce qu'il était amoureux de Pauline. Et par la suite, il y a eu d'autres éléments comme le Donkey Kong 2 où c'était Mario qui avait kidnappé Donkey Kong et d'autres éléments comme ça. Ouais. Mais par Donkey la suite, Kong Junior, exactement. C'est ça, ouais. Par la suite, quand on est tombé dans les Donkey Kong Country, ben là c'est là que ça a été un peu plus obscur parce qu'en tant que tel, Donkey Kong fait pas sa quête pour sauver le monde. Car dans le fond, il fait ça pour récupérer sa réserve de bananes qui s'est faite voler par le roi. Crocodile, qui est J.K. Crow, si je me rappelle bien son nom. Mais, en même temps, il veut dominer le monde. Fait que, dans le fond, Donkey Kong se retrouve étant un héros car il empêche un méchant de dominer le monde. Oui. Mais il fait pas ça pour ça. Il fait ça pour récupérer ses bananes. Oui. Mais en même temps, il y a un concept de mauvais parce qu'à part les crocodiles, les autres animaux de la jungle, les castors, les abeilles, ils sont pas avec J.K. Crow. Et lui, ben, il est bas sans souci. Alors, on pourrait dire que c'est un héros obscur, Benoît. Un héros obscur, comme il dirait au fameux poste d'RDS durant le hockey. C'est un héros obscur, notre Donkey Kong. C'est juste que c'est ben dadon. Il sauve le monde indirectement, mais pour son profit personnel. Ben, voyons. Alors, c'était le commentaire d'Andrew sur Donkey Kong. Est-il un méchant ou un bon? Moi, dans ma tête, il restera toujours un chaotique. Comment tu as dit ça? Chaotique neutre. Un chaotique neutre. Et voilà, je sors aujourd'hui avec ce terme-là et je l'affiche partout. Merci beaucoup, Andrew, et on passe en musique. On va écouter un gars de Lévis, donc c'est Faber E. Coyote. Faber E. Coyote et les chasseurs de primes, et d'ailleurs, il cherche à avoir des fonds pour faire un film de country. Donc, allez voir le site hankitenville.com, sinon la pièce s'appelle Perdu à Nashville, Tennessee. Et puis, on aime les gens de Lévis parce que, bon, c'est ça, parce qu'on puissance maximale, on est voisins de Lévis. Il y a plein de gens qui viennent de Lévis ici. J'espère, j'ai de là aussi. Eh oui, il y a comme une diaspora lévisienne à puissance maximale. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que tout de suite après, on va revenir avec Chantal Campagna. Vous êtes à puissance maximale. Et à moins que vous ne viviez sur la planète Mars, vous devez savoir que dans quelques semaines, ce sera Noël. Et qui dit Noël dit cadeau. Et qui dit cadeau dit jeu de plateau. Et on a justement en notre compagnie Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, qui vient nous parler de jeu de plateau. Salut Chantal! Salut François! Et donc, premier jeu de plateau. Ben écoute, cette semaine, on parle de jeux de party, donc jeux de groupe. On va commencer par un beau petit jeu qui s'appelle La Résistance. En fait, c'est un jeu qui n'est pas encore disponible sur les étals, mais qui va le devenir dans la semaine du 8 décembre. Donc, il est présentement sur le bateau. Alors, La Résistance, c'est un jeu qui s'apparente beaucoup au loup-garou. On va avoir des groupes d'espions avec des traîtres à l'intérieur. Donc, le chef de mission va nous envoyer faire une mission contre le gouvernement pour résister contre la corruption rampante. Mais évidemment, à l'intérieur du groupe, il y aura des traîtres. Donc, il faut essayer de deviner qui sont les traîtres et qui sont nos alliés pour mener à bien la mission ou, au contraire, la saboter. Donc, la résistance de toute beauté. Un peu dans l'esprit de loup-garou. Oui. Ensuite, dans un deuxième temps, on a un beau petit jeu québécois qui vient de sortir qui s'appelle Joe Connaissant. Fait que connaissant tout, on sait tout comment ça va marcher. Donc, Joe Connaissant, c'est un jeu d'équipe de 2 à 20 joueurs pour 10 ans et plus. Il y a des énigmes qu'il faut découvrir, en fait, qu'il faut résoudre en collectant des indices. Mais moins on se sert d'indices pour résoudre notre énigme, plus on fait de points. Donc, t'es-tu Joe Connaissant, tu connais tout, tu peux tout savoir, tu vas réussir à tout solutionner avec le moins d'indices possible. Donc, petit Joe Connaissant, vous pouvez péter les bretelles devant l'équipe adverse. Et tu me rappelles le nom du jeu? Joe Connaissant. C'est un jeu québécois, ça? C'est un jeu québécois. C'est un éditeur qui s'appelle Ludic qui nous l'offre. Et d'ailleurs, ce même éditeur, Ludic Québec, nous offre Compteur de pipes. Alors, dans Compteur de pipes, écoute, ça, c'est un jeu parfait pour le capitaine bonhomme. Il faut que tu racontes des histoires. C'est du n'importe quoi. C'est un jeu de conversation. Ça fait appel à l'imagination, à l'esprit de persuasion. Donc, tu vas vraiment raconter une histoire qui est vraie ou complètement n'importe quoi, inventé, à partir de mises en situation qui te sont suggérées avec des cartes. En fait, on se rapproche de Où étiez-vous du Scorpion masqué, qui est un petit jeu absolument superbe aussi, mais sauf qu'on se sort finalement du côté enquête pour vraiment seulement raconter des pipes, et les joueurs, pour être capables de faire des points, vont devoir départager ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc, le jeu du Capitaine Bonhomme, Compteur de pipes. Excellent. Et quoi d'autre? Ensuite, ben, pour le joueur qui a tout, c'est une petite extension qui s'appelle Time's Up Game Geek, qui est offert par RepoProd, donc Repo Productions, qui font Time's Up. C'est une expansion seulement, donc on a besoin du jeu de base, mais l'extension Game Geek nous permet finalement de faire deviner les principaux acteurs des jeux de société. Donc, ça peut être des jeux, ça peut être des auteurs, des dessinateurs. Donc, je mets au défi n'importe qui de mimer GIF, puis ensuite, ils auront mon respect. Donc, voilà, Time's Up Games Geek, vraiment un jeu pour les auditeurs de puissance maximale. Oui, absolument. C'est parfait pour les gens de puissance maximale. Ensuite, ben, pour les amateurs de « Je te rentre dedans, puis je te pète la gueule », on a une nouvelle extension de Mémoire 44 qui vient de sortir, qui s'appelle « Winter Wars ». Et finalement, on a 10 scénarios là-dedans qui vont nous permettre de rejouer et de jouer et de re-rejouer encore une fois tous les événements finalement qui ont entouré la fameuse Battle of the Bulge en Noël de 1944 dans les Ardennes. Donc, Mémoire 44, Winter Wars. Super. Et quoi d'autre, ma chère? Là, c'est vraiment Noël qui s'en vient. Là, le party est au rendez-vous. Ben, parlant de Noël et partant de party, il faut souligner que Christian Lemay sera à la boutique du Valet de cœur ce samedi le 11 décembre à partir de 1h et jusqu'à 4h pour présenter son nouveau bébé Super Comique, qui est une collaboration avec Roberto Fraga, celui qui nous avait déjà offert la chasse aux œufs. Donc, on sait en partant que ça va être un jeu complètement débile et qu'il va falloir être en forme. Donc, une démonstration de Super Comique le 11 décembre avec Christian Lemay qui pourra vous signer des copies, vous faire des autographes, vous expliquer le jeu ou vous expliquer aussi n'importe lequel de son autre gamme de jeux. Et ça, Super Comics, c'est important de le mentionner, ça paraît peut-être pas au nom du jeu, mais c'est vraiment un jeu 100% québécois. Christian Lemay, Scorpion masqué, c'est québécois. Et donc, c'est un jeu aussi que j'apprécie beaucoup, puis je peux jouer avec mon épouse, même si elle parle espagnol, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est fabuleux, ce jeu-là. C'est vraiment un jeu très, très passe-partout. Et là, Chantal, là, t'as quitté le Valet de cœur, mais tu continues dans la distribution. Tu lances une compagnie qui s'appelle Distribution Dude. Oui, Distribution Dude, qui, oui, mais en fait, quand moi j'ai quitté le Valet de cœur, il y a des fournisseurs qui ont décidé de me suivre, donc j'ai décidé d'ouvrir finalement ma propre boîte, continuer de faire ce que j'aime, de travailler avec des gens qui sont absolument fabuleux, d'encourager l'économie locale avec les boutiques qui prennent la peine d'avoir un pignon sur rue, et ça partout dans toutes les régions du Québec. Donc, ça va vraiment être super. Et nous, on va ouvrir au mois de janvier. Et finalement, avec notre ouverture, on va pouvoir faire du bruit avec la nouvelle édition tout en couleur de Munchkin et la troisième édition de Citadel que tout le monde attend avec impatience. Donc, ça vient tout juste de sortir en France. Et nous, bien, évidemment, il faut attendre. Mais on n'attendra pas si longtemps que ça. Ça va être dans la première semaine du mois de janvier. Oh là là là là, ça commence en grande distribution Dude, donc avec des gros jeux, là, Citadel et la réédition de Munchkin, ça va être pas mal intéressant. Donc Chantal Campagnat, je te remercie beaucoup, je rappelle les jeux, La Résistance, Joe Connaissant, Compteur de Pip, Time's Up, Games Geek, Mémoire 44, Winter Wars, et on rappelle que Christian Lemay va faire une démonstration de Super Comics au Valet de Cœur. Tu rappelles la date? Le 11 décembre de 13h à 16h. Et sinon, ben, il reste 25 de dos avant Noël, donc on se prépare, on reste près du sapin, et puis on s'en reparle sûrement dans les prochains jours, ma chère Chantal. À la prochaine. Bye, là. Donc, voilà, c'était Chantal Campagna et de distribution Dude maintenant, il faut plus dire le Valet de cœur. Et puis, on va écouter une pièce maintenant pour continuer. Toujours une pièce tirée du dernier album des Frères Goyette. La pièce s'appelle Tout ou Rien, pas tout. Au gros galop, rue dans les brancards et pognement aux dents, comme la gratte fait bon ménage, arrache les boîtes aux lettres, pousse les clôtures, comme le train à grosse affaire. Je tire mes wagons, défonce le mur du son, troque le deux temps pour un 4x4, prends de vitesse. Ses chapeaux de roue. Rentrez gros gens comme devant, point sur le i, une barre sur le t. Refuse de tenir pour un petit pain. Prends le beurre, l'argent du beurre, la miche de la boulangère. Prends l'exemple sur Terry Fox. Je tire mes wagons, défonce le mur du son. Croque le deux temps pour un 4x4. Prends de vitesse, les plus beaux Cadillacs. Ces chapeaux de roue. え、皆さんこんにちは。えっと、日本ではえ、ナルトだけじゃなくて、みんなさん、みんなで、囲碁をしている。え、そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください。え、今からピュイサンスマキシマル来てください。 Et nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire en japonais. Donc, puissance maximale, vous l'écoutez présentement sur les ondes de CKIA. Et on va continuer avec Andrew, qui lui restait à Andrew un second jeu à nous, en fin de compte, à discuter avec nous. Oui, exactement. En fait, je vais retomber encore dans mon enfance. N'est pas si loin. Qui n'est pas si loin que ça, d'ailleurs. J'avais parlé de Sonic Caller, qui est un des derniers jeux de Sonic qui a sorti sur la Nintendo Wii. Vous vous rappellerez la fois que Francis avait parlé de Sonic 4. J'avais fait part de ma non-satisfaction du titre. Qui était en contenu téléchargeable, celui-là. Exactement. C'est bien ça, Que j'avais dit qu'il était trop cher pour le contenu qu'il donnait. Oui. Et que moi, personnellement, je n'avais pas retrouvé le plaisir de jouer comme à l'époque. Je dirais que Sonic Caller, sans être complètement rétro comme Sonic 4 a voulu faire, a réussi à raviver cette flamme en moi qui m'a dit non, la franchise Sonic n'est pas morte, malgré qu'est-ce que le monde dise en ligne. En fait, Sega a réussi à nous faire un beau coup de chapeau avec ce jeu-là. Et là, c'est une exclusivité Nintendo, celui-là? Une exclusivité Nintendo, seulement. Effectivement. Je vous dirais qu'on retrouve dans ce titre-là, en fait, qu'est-ce qui a fait le succès des jeux de Sonic sur la DS. Les Sonic Adventure, qui est un genre de jeu en 2D, mais qui avait des éléments 3D dedans, qui faisait en sorte qu'on pouvait voir le perso en arrière, des choses comme ça, mais Sonic Color, on retrouve ces éléments-là. Majoritairement, le jeu se passe à la troisième personne d'un point de vue arrière, comme on retrouve dans les Sonic 3D, comme il y a dans le fond, là, dans le Sonic Adventure sur les Dreamcast. Oui. Sauf qu'il y a certains éléments du jeu où la caméra va basculer sur le côté et on va voir un plan de vue 2D comme on retrouve dans Sonic 4. Et dans celui-là, qu'est-ce qui est bien, c'est que Sonic à la base court déjà vite, mais il y a une fonction de boost. Dans le fond, il va plus vite. Et pour faire une mise en contexte, ce Sonic-là se passe dans l'espace, dans un parc d'attractions que Robotnik a construit, qui dit dans le fond que c'est un parc pour se faire pardonner de ses gestes diaboliques du passé, qu'est-ce qui n'est pas totalement vrai, parce que dans le fond, il fait de l'esclavage d'extraterrestres, et Sonic découvre ça, et les extraterrestres ont chacun des pouvoirs particuliers, et ça permet à Sonic d'avoir des attributs spéciaux. Comme exemple, il y a des extraterrestres blancs, que c'est dans le fond le boost que Sonic peut se donner. On retrouve des extraterrestres jaunes, qui permet à Sonic de devenir une genre de perceuse, qui permet de creuser dans le sol pour aller chercher des éléments cachés. Il y en a un autre qui est le vert, qui permet à Sonic de devenir comme un ballon et de voler pendant un certain moment. Et plein d'autres éléments comme ça, je les connais pas toutes parce que je les ai pas toutes vues encore dans le jeu. Mais tu sais, ça permet de rajouter un petit élément, mais sans en même temps s'incruster à une obligation, parce que qu'est-ce qui était plate un peu dans certains Sonic, c'est des fois les personnages avaient des attributs spéciaux, mais on était obligé de les exploiter pour pouvoir passer le jeu, tandis que Sonic Color, ben c'est juste des plus qu'ils ont rajouté, parce que à la base le tableau est faisable juste avec les attributs de Sonic. Simplement. Dis-moi, Andrew, est-ce que le fait que le jeu soit dans l'espace, est-ce que c'est un manque de créativité? Est-ce que ça vient rejoindre Mario Galaxy, ou on est vraiment pas dans... Parce que là, on parle de Mario Galaxy, il a sorti deux jeux depuis un certain nombre d'années, ça se passe dans l'espace, on tombe avec celui qui est un peu l'opposé de Mario dans le temps Sonic. Est-ce qu'on a manqué d'idées, ou c'est vraiment différent? Pas exactement, parce que dans le fond, c'est pas la première fois que Sonic va dans l'espace, en fait. La première fois que Sonic monte dans l'espace, c'était dans Sonic versus Knuckles dans le temps du Genesis. Mm-hmm. Ça a été la première fois où il y avait vraiment une station intergalactique où, en fait, c'est même Sonic 3 où Sonic avait monté pour la première fois dans l'espace, dans une station orbitaire. Et ça a été toujours quelque chose de récurrent dans les Sonic. Robotnik finit toujours par avoir quelque chose dans l'espace, sauf que dans Sonic Color, ben ça donne que tout se passe dans l'espace. Mais il faut faire attention, parce que Mario Galaxy, ça se passe sur différentes planètes, oui, ou ça, des vaisseaux, tandis que Sonic, il se passe uniquement sur le parc dans le parc d'attractions que Eggman a construit. OK, fait qu'il n'y a pas vraiment de voyage... Non, ben pas vraiment. Fait que, mais tu sais, il y a certains thèmes dans le parc. T'es comme, on va retrouver un parc jungle, un parc des affaires comme ça. Mais tu sais, ça reste que c'est pas comme un jeu de Mario. Et de toute façon, Mario est vraiment plus un platformer aventure. Dans le fond, il n'y a pas un aspect de vitesse, tandis que Sonic, généralement, oui, faut ramasser des éléments, mais il faut passer le tableau le plus rapidement possible, généralement. Donc, on peut pas vraiment mettre des éléments qu'on retrouve à Mario Galaxy dans les Sonic en général. Parlons-en de l'aspect de vitesse, justement. Là, on parle d'un 3D, on parle d'un 2D. Moi, j'ai toujours... Ben, j'ai joué au Sonic en 3D, que j'ai moins aimé, moins apprécié, parce que il me semble que l'effet de vitesse, c'était justement, on allait de gauche à droite dans l'écran, puis peu importe ce qu'on touchait, ou ce qu'on, parce que parfois il y avait des ressorts qui nous faisaient rebondir, parfois on pouvait sauter vraiment très très loin pour aller ramasser des anneaux, des choses comme ça. Là, pour ce qui est de l'aspect de vitesse en 3D, est-ce que c'est difficile à diriger? Est-ce qu'on a un monde ouvert? Est-ce qu'on a quand même des murs invisibles qui nous contrôlent? En fait, ils ont vraiment mis un aspect de corridor. Donc, dans le fond, il n'y a plus vraiment le principe de monde ouvert comme on retrouvait dans les Sonic Adventure. C'est ça. C'est vraiment, on part d'un point A à un point B. Sauf qu'est-ce qui est bien avec le jeu, c'est vraiment, ils ont pensé sur leur trajet, mais ils ont vraiment dit, on va mettre, mettons qu'on met le trajet en 2D. Est-ce que c'est jouable? Fait que généralement, quand il y a des sprinteurs ou des choses comme ça, c'est vraiment des rangées. Des tapis qui donnent la vitesse, des éléments comme ça. Mais en même temps, en rajoutant les attributs des extraterrestres, ça permet d'aider justement à la vitesse des passes 3D. Parce que, mettons, exemple, qu'on a le ballon ou des choses comme ça, ben, t'sais, ça permet justement d'aller plus vite. C'est sûr que la vitesse est moins haute qu'au Genesis, ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai ressenti plus de vitesse dans ce titre-là que qu'est-ce que Sonic 4 m'avait donné sur le DLC. Surtout quand il y a des segments où vraiment c'est un sprint. Parce que certains tableaux dans Sonic Color, où c'est vraiment le personnage avance à grande vitesse tout droit, il suffit juste de donner un petit coup sur le droit ou gauche de la manette pour le faire changer de corridor. C'est comme si le chemin était en différents corridors. Ça, c'est pas tout le temps comme ça. Mais il y a certains éléments dans les tableaux où c'est vraiment, il donne un coup rapide de vitesse, puis il faut esquiver les obstacles. Donc, c'est très bien à ce niveau-là. Je vous dirais que si vous êtes fan de Sonic et que les derniers titres vous ont déçu un peu par manque de vitesse ou encore d'originalité, je vous dirais que Sonic Color est le jeu qui vient rajouter justement de la couleur à la franchise. Et je le recommande énormément. Excellent. Au nouveau joueur. Une exclusivité pour la Nintendo Wii. Et DS. Et la DS. Parfait. Moi, je vais continuer immédiatement en parlant de jeux vidéo. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler de Call of Duty. Vous savez très bien que je suis un fanatique de ce jeu-là. Non seulement pour le fait qu'on ait à tuer des ennemis, des choses comme ça. Dans plusieurs jeux, on peut faire ça. C'est pas seulement Call of Duty. Même Mario tue des champignons. Alors, regardez, il y a quand même des choses comme ça. Mais c'est aussi pour l'aspect historique. On nous plonge souvent dans des événements qui sont réels de plus en plus, justement. Et les différents tomes, les différentes sorties de jeux de Call of Duty nous ont permis ça. Un jeu de guerre qui n'est pas nécessairement trop difficile, qui n'est pas extrêmement tactique. Ça demande un certain niveau, oui, d'arrêt pour être certain qu'on joue comme il faut, qu'on regarde vraiment où on s'en va. Mais on n'a pas vraiment de personne à contrôler autre que notre personnage, tout simplement. Call of Duty, ça a fait sa marque pour ses campagnes qui sont quand même relativement courtes. C'est pas des jeux qui sont extrêmement longs. Mais surtout, c'est la qualité de la narration qui a marqué beaucoup Call of Duty. La qualité de la narration, puis on a eu des très bons acteurs, puis encore là, dans celui-là, il y en a des excellents. Mais également, quelqu'un qui est un fanatique de Call of Duty, souvent, ce qu'il va faire en mettant le jeu, il ne va même pas voir tout de suite la campagne, il va aller sur le mode multijoueur. Moi, vraiment, c'est la première chose que je fais. Si j'ai un jeu Call of Duty, je le mets dans ma console et je vais sur le multijoueur pour commencer à monter des niveaux. Parce que c'est arrivé avec le multijoueur de Call of Duty qu'on puisse monter des niveaux, parfois jusqu'à 50, parfois jusqu'à 60, 70. Et ça prend des points d'expérience pour en arriver là. Et Call of Duty Black Ops, le dernier qui est sorti dans le dernier mois, ne met pas ça de côté. Et c'est cette partie-là dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à parler avec ce jeu-là. La campagne, comme je ne l'ai pas encore terminée, je la garde pour quelques semaines encore. Mais vraiment, je vais vous parler de ce qui est de nouveau dans Call of Duty, le multijoueur, qui nous a habitués justement avec les derniers numéros à jouer, à monter de niveau, et dépendant du niveau qu'on atteignait, on pouvait débloquer certaines habiletés sur notre joueur ou certaines armes. Donc, j'atteignais le niveau 4 ou le niveau 5, par exemple, dans un ancien Call of Duty, je pouvais débloquer mes classes, ce qui me permettait d'avoir 5 types d'armes différents et de les jouer par moi-même. J'arrivais à un niveau X, ça me permettait de débloquer telle arme que j'aimais beaucoup, mais ça me prenait le niveau 12 ou le niveau 13 pour l'avoir. J'arrivais au niveau 20, je pouvais débloquer le fait que je sois un petit peu furtif, qu'on me voit pas nécessairement lors d'écran radar, lorsqu'il y avait des radars ennemis, des choses comme ça. Ça, c'est les anciens Call of Duty. Il fallait vraiment monter les niveaux. Et bien sûr, quand on arrivait au dernier niveau, là, on avait le AK-47, où il avait le gros arme, ou dans le dernier, c'était World at War, le dernier de Treyarch, le dernier niveau, on avait le lance-flamme. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Black Ops a éliminé ça. Vraiment, on monte de niveau, oui, mais ils ont instauré un système de points qui existe dans d'autres jeux également. Et ce système de points-là, mais qui n'existait pas dans Call of Duty, ce système de points-là, donc à chaque fois que tu montes un niveau, tu reçois 1000 points Call of Duty. Et tu peux également acheter des contrats et acquérir des points si tu réussis tes contrats. Donc, à partir de 1000 points à chaque fois que tu montes, à chaque fois que tu fais des petites manœuvres, si tu fais, je sais pas moi, des headshots, des choses comme ça, tu vas ramasser des points et ça va te permettre rapidement d'aller chercher des habilités qu'avant ça, tu avais au niveau 42, au niveau 45. Maintenant, si toi, ton type de joueur, c'est de dire, moi, je joue avec une arme sur laquelle il y a un suppressor qui est vraiment, qui permet de ne pas être marqué, de ne pas entendre les coups de feu, et également, j'ai une habilité à être furtif, à ne pas être vu par les radars ennemis. Tu n'as pas besoin d'attendre de monter 25 niveaux pour en arriver là. Tu peux tout de suite acheter, quand tu as l'argent ou l'argent, en fin de compte, tes crédits nécessaires, tu peux tout de suite acheter ces habiletés-là et devenir ton joueur, ta classe de joueur en partant. C'est quand même intéressant, ce qui permet à différents joueurs d'avoir son style déjà sur le jeu et d'avoir seulement le niveau 4, le niveau 5. Le jeu continue quand même avec tout ce qu'on connaît du Call of Duty Online, donc du match à mort par équipe, le free-for-all du 1 contre 1, ben, en fin de compte à 8 joueurs, tout ce qui est sabotage, search and destroy, capture the flag, c'est toutes des choses qui sont possibles encore avec le nouveau jeu de Treyarch, parce qu'il faut expliquer que Call of Duty, c'est Activision qui l'édite, mais il y avait deux compagnies qui travaillaient sur Call of Duty, Infinity Ward qui n'est plus là, qui n'est plus dans le décor, et c'est Treyarch maintenant qui prend la relève. Infinity Wars vont sûrement faire quelque chose. Ils ont sûrement été rachetés par une autre grosse compagnie. C'est toujours ça qui se passe. Oui, mais me semble. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu une mésentente avec Activision sur le contenu téléchargeable, des choses comme ça, me semble, à l'époque, si je me souviens bien. Et je pense que Infinity Wars voulait vraiment partir d'eux-mêmes, garder leur nom, leur concept, tout ça. Et bon, il y a eu des petits problèmes. Mais là, c'est Treyarch, qui était déjà là aussi avant. Les deux compagnies s'échangeaient les Call of Duty numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. C'était toujours une compagnie et l'autre qui le faisait. Donc, à ce niveau-là, le jeu de Treyarch est quand même très bien. Moi, j'ai toujours été un fan d'Infinity Ward plus que d'autres choses. Je trouvais que la jouabilité était plus simple, c'était plus rapide, l'élimination d'ennemis, des choses comme ça. Il est un petit peu plus lent avec Treyarch. Je me suis aperçu de ça en fin de semaine en jouant un ancien Call of Duty qui est le War at War, qui est l'avant-dernier, disons, ou l'autre avant. Et je me suis aperçu que c'était la façon de Treyarch de faire les choses. Pour terminer, bien, en fin de compte, on peut acheter des contrats, comme je le disais, ce qui était quand même intéressant, ça nous permet de mettre beaucoup de crédit de côté à ce niveau-là. Et je me suis aperçu également que j'aimais bien ça jouer aux anciens jeux Call of Duty qui sont revenus dans ma bibliothèque. OK, Call of Duty Black Ops. Black Ops, super. C'est rapide en fin d'émission comme ça, il y a beaucoup plus à dire, mais c'est un jeu à acheter. Je veux juste terminer en disant que notre ami Luc, qui est un fidèle auditeur de l'émission, qui est allé à la Shop Goblin il y a quelques jours. Il voulait souligner à quel point c'était bon, que c'était blanche et qu'il les avait servis. Il a mangé du hambourgeois d'autruche et c'était la fête des Écossais. Alors, il aurait pu manger du haggis. Il avait préparé le plat typique haggis pour l'occasion. Donc, la Shop Goblin, qui est un restaurant médiéval qui vient d'ouvrir à Québec, on est bien contents et on les encourage. Excellent. Bien, ça fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. On remercie Chantal Campagnac qui nous a parlé du jeu de plateau. Merci à toi, Andrew, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Merci, François, d'avoir fait la mise en onde. Et merci à toi, Vincent Langlois. Toujours un plaisir. Ça m'a plaisir d'être là avec vous. Et bien, on se revoit tous et toutes. On se réentend, on se réécoute ou on se parle la semaine prochaine. Bonne semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we One, two, three, four, die.